Radio Télé Megastar pote pou ou yon émission sou teknoloji ak entrepreneuriat ki rele teknoloji la kaye. Tap montre nou comment teknoloji ap évolué nan monde lan. Pa bliye, chaque dimanche, demi fè 6 nan après-midi pou rive 7 nan après-midi avec ingénieur Zamor, branché Radio Télé Megastar sou 97.3 FM stéréo ou bien sou www.radiotele-megastar.com pour nous connaître qui sa technologie la caillou pote pou. Zami, est-ce que tu connais nouvelle technologie information et communication? C'est un outil qui est capable d'avancer dans l'entreprise. C'est peut-être ça. Zamtech Security, qui s'est mettre dans affaires consultation sécurité informatique, comprend l'importance qui gagne dans la technologie pour aider avec l'entreprise. L'hypothèse pour vous, un pile service qui peut aider ou sécuriser et puis permettre de gagner plus de visibilité dans le monde. Là. Zamtech Security, créer et gérer site web pour un pile institution. Déjà, tant que Skirt Center. Radio Télé Megastar ak plaisir l'autre encore. Pour un petit crash complètement, nous portons pour vous service sa yo. Consultation, création ak gestion site web, installation ak gestion réseau, formation, installation caméra surveillance, eh bien, c'est pas ça simplement. Pour vous qui pas ka sorti, Zamtech Security offre formation dans informatique ak anglais à domicile. Oui, la caillou. Pour plus d'informations, contactez Zamtech Security nan numéro sa yo 31 11 55 40 ou bien 40 26 68 65 ou ka écrit nous sous zamtechsec@gmail.com. Adresse nous c'est Croix de Bouquet, rue Républicain en face Moc Genis là, dans local Saint-Jean, école professionnelle là. Na Zamtech Security, satisfaction c'est priorité nous. Son silence est puissant, et même tout puissant. pas trop gros, même fait yo de temps en temps. Bagay ça tu pour moi, bagay ça tu pour moi. Les petits connouguets, t'es guet en bas palais. Mais sois le light to me, ak pantalon fas minami. Grève sa pote en bago, ni blanche yo même si.